T'es bien parti sur l'eau, c'est yeah, man. Pas grave. D'autres, ouais, nous rejoindre trop mal. Tu peux monter un peu. Tu peux monter un peu. Comme ça. Comme ça fait bien ou pas pour moi. Raisonne un peu. Vas-y, encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore alors, il n'y a pas les gars. Alors, est-ce qu'il y a les gars avec toi? L'entrée du micro. Est-ce qu'il y a ouais, ça partait très bien à côté, là. Le Youssef, il est bon à la mandoline. Solo. Zal à la basse. Seb et Niel, je sais plus. Ouais, grave. Ça fait bien. Cherchant. Dans le même état d'esprit. Il est à tout. Plutôt intéressant. Plutôt. Pour les trucs tonnants. Les trucs qui t'embarquent. Qui t'embringuent. N'importe quel tempo. Il y avait un débat d'ailleurs. 3, 4, 6, 8. Quand le surmoi appuie sur. Comme rassure-nous. C'était ce dont j'étais en train de parler. Moi. Juste avant. Là, mon émoi. La rencontre. Le grand autre. Make me. Great again. Tiens, celle-là, je vais créer. Oh yeah. Oh yeah, make me great again. Make me king. Make me great again. Oh yeah. With my black mirror. We'll make us young again. Okay, no problem. me alive again. Connected.